Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc on continue toujours avec notre livre, l'ilm, fadluhu wa sharafuhu. Et on est arrivé au point 77, al-wajhu al-sabi'u wa sab'un. Sifatu al-madhi min thamarat al-ilm. Donc les caractéristiques des louanges font partie des fruits de la science. Anna kulla sifatin. مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته. Certes, chaque attribut louable où Allah subhanahu wa ta'ala a loué avec cet attribut son serviteur dans le Coran fait partie des fruits de la science et son résultat. وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل. Et chaque réprimande faite par Allah subhanahu wa ta'ala est le fruit de l'ignorance et son résultat. فَمَدَحَهُ بِالْإِمَانِ وَهُوَ رَأْسُ الْعِلْمِ وَلُبُّهُ. Il l'a loué par la foi et c'est la tête ou l'origine de la science et sa pulpe. وَمَدَحَهُ بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع. Et là aussi loué par l'œuvre pieuse qui est l'origine ou qui est le fruit de la science profitable. ومدحه بالشكر. Et là loué par la reconnaissance. والصبر la patience. والمسارعة في الخيرات et l'empressement à faire du bien, à faire tous les biens. والحب له et son amour pour ce bien. Son amour pour Allah. Wal khawfi minhu, sa peur d'Allah. Wal raja'i wal inabati, et l'espérance et le retour. Wal hilmi wal waqar, la douceur et la quiétude. Wal lubbi wal aqli, et l'intelligence et le raisonnement. Wal iffati wal karami, et le fait d'être saint et noble, généreux. Wal-ithari ala nefs, et le fait de faire passer donc ce qui est de la religion avant son nefs. Wal-nasihati li'ibadihi, et le bon conseil envers ses serviteurs. Wal-rahmati bihim, la miséricorde envers eux. Wal-rafati wa-khafdil janahi wal-afwi al-musi'ihim, la douceur est aussi d'être doux et bienveillant et pardonneur envers ceux qui font les péchés. وَالصَّفْحِ عَنْ جَانِهِمْ وَبَذْلِ الْإِحْسَانِ لِكَفَّاتِهِمْ وَدَفْحِ سَيِّئَاتِ بِالْحَسَنَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصَّبْرِ فِي مَوَاطِنِ الصَّبْرِ وَالرِّضَى بِالْقَضَاءِ وَاللَّيْنِ لِأَوْلِيَائِي وَشِدَّةِ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَالصِّدْقِ فِي الْوَعْدِ. Donc aussi le fait de pardonner à ceux qui ont fait donc du mal, faire du bien afin de donc faire du bien pour les gens, donc avoir de la bonté et faire du bien envers les gens, repousser le mal par le bien, recommander le bien, réprouver le mal, patienter au moment où il faut patienter, accepter le destin, la douceur envers ses alliés, envers ses élus, de la fermeté envers ses ennemis, de la vérité, c'est-à-dire de l'être véridique lorsque tu partises, el wafa'i bil 'ahd, et aussi donc respecter le dépôt, wal i'radi 'an al jahilin, se détourner des ignorants, wal qabuli min al nasihin, accepter de ceux qui ont conseil, wal yaqini wat tawakkuli, la certitude et la confiance, وَتُؤْمَنِيَاتِ وَالسَّكِينَاتِ, la quiétude aussi, donc le fait d'être calme et avoir de la quiétude, وَتَوَصُّلِ وَتَعَطُّفِ, donc garder les liens et aimer les gens, وَالْعَدْلِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَخْلَاقِ, et d'être dans le juste milieu dans les paroles, les actes et les comportements, وَالْقُوَّةِ فِي أَمْرِهِ, être fort envers les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les faire avec force. والبصيرتي في دينه et reconnaître la religion avec clairvoyance, être clairvoyant dans sa religion, والقيامي بأداي حقه et respecter les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبيل أهل الضلال et aussi de sortir, c'est-à-dire ne pas faire partie de ceux dont Allah a interdit, hein, ce dont Allah a interdit, et de aussi l'appel vers Allah et vers l'agrément d'Allah à son paradis et prévenir contre les voies de l'égarement. Donc là, on voit qu'il y a le prévenir contre les voies de l'égarement. Donc ça fait partie du dîn. Contrairement à ce que les gens croiraient que c'est une méchanceté de part des musulmans de prévenir les gens contre les voies d'égarement. Allah prévient maintes fois et maintes fois dans son Saint-Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna les voies de l'égarement. Et ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils montraient le bien, mais aussi ils montraient le mal, afin que les gens ne tombent pas dans le mal. Et montrer les voies de la perdition et la situation de ceux qui ont pris ces voies. Donc les ulama ont parlé sur des gens, ou sur des sectes ou quoi, ils ont montré comment ils sont arrivés à cela et aussi la mauvaise fin, hein, et des fois ce qui leur est arrivé comme châtiment de la part d'Allah et de voir la situation de ceux qui prennent justement ces voies là watawassi bil haqi watawassi bil sabr, se recommander mutuellement la vérité et se recommander mutuellement la patience wal haddi ala ta'am al miskin, et aussi inciter les gens à nourrir le pauvre wa birri walidain, l'obéissance aux parents, wasilat al-arham, tisser les liens de familiaux, tisser les liens familiaux, wa bazli al-salami li kaffat al-mu'minin, et saluer abondamment, saluer, voire même le premier, c'est ce qui est le meilleur, saluer abondamment donc les musulmans, les croyants en général. Il a sa'il al-akhlaq al-mahmouda wal afhal al-mardiya allati aqsama Allah subhanahu ala 'idhamiha. فقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. سورة القلم verset 1 à 4. سورة القلم verset 1 à 4. Et d'autres. Donc voilà la science à quoi voilà Allah subhanahu wa ta'ala a loué donc toutes ces qualités qu'on vient de voir, toutes ces choses qui sont bien, Allah les a citées, mentionnées et on a dit du bien, les a vantées ces choses-là. Et tous ces bons comportements, donc ces actes qui sont agréés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jure. Parce que tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ces comportements. Et après il dit dans soit Al-Qalam verset 1 à 4, Nun, par la plume et ce qu'ils écrivent, tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur impossédé. Et il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue et tu es certes d'une moralité imminente. Soit Al-Qalam, verset 1 à 4. Donc voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on a vu avant, c'est décrit dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez après comment il le vante en disant que